Salut, c'est Commune Oreille sur Radio Zinzine, une émission autour des musiques libres et ce mois-ci nous allons parler d'amour. Croyez-vous à l'amour? C'est une bonne question. Et vous, croyez-vous à l'amour? Oui, je crois à l'amour et je crois que toutes les jeunes filles croient à l'amour comme moi. Et c'est pourquoi j'estime que les rapports physiques entre filles et garçons ne doivent pas avoir lieu avant le mariage parce que ça gâche le mariage. Je pense que quand on se marie, on apporte quelque chose de merveilleux, quelque chose de très grand, c'est sa pureté. Il faut que dans notre mariage, nous apportions cet humble présent qui est vraiment le plus merveilleux que nous puissions apporter, le plus beau cadeau de mariage. Voilà. Donc là, on vient d'écouter. Alors tout début, là, juste avant cette petite virgule, croyez-vous à l'amour, qui est une création sonore des enregistrements a priori des années 50, je dirais, hein, au niveau du contenu, par Monsieur Timpan. Monsieur Timpan, c'est un type qui fait des collages sonores, des créations radiophoniques et qui est basé à Avignon. Et après, on a écouté Like This Parade avec le morceau Love 66. Et c'est paru sur un label japonais qui s'appelle A Sequence of Tiny Masterpieces of 15 Minute Records. Et c'est Misawa Masanori qui est derrière ce groupe, qui ne renie pas le Power Flower. Et juste pour Monsieur Timpan, en tout cas, ça va être différentes visions de l'amour. C'est pas forcément le nôtre, comme vous l'aurez compris, c'est un rapport au mariage et. qui peut être très, on va dire, traditionnaliste. On en aura d'autres qui vont réfléchir au consentement et à d'autres choses. Et on va commencer par du coup une petite balade folk qui s'appelle Pretty Polly, qui est chantée par Roger McGinn. Roger McGinn, qui était un des membres du fameux groupe de folk rock The Birds dans les années 70. Et qui, depuis quelques années, se concentre sur la musique folk traditionnelle américaine, sous licence libre. Donc on écoute Pretty Polly, une histoire d'amour entre Polly et Willie. Je crois qu'elle se termine pas bien. There used to be a gambler who courted all around. There used to be a gambler who courted all around. He courted Pretty Polly, such beauty never been found. Pretty Polly, come go along with me. Pretty Polly, come go along with me. Before we get married, some pleasures to see. She jumped up behind him and away they did go. She jumped up behind him and away they did go. Down into the valley that was far below. The They went a little further, and what did they spy? They went a little further, and what did they spy? But a new dug grave with a spade lying by. Oh, Willie, hey, Willie, I'm afraid of your ways. Oh, Willie, hey, Willie, I'm afraid of your ways. I'm afraid you might lead my poor body astray. Pretty Polly, pretty Polly, you've guessed just about right. Pretty Polly, you've guessed just about right. For I've dug on your grave the better part of last night. He stabbed her in the heart till her heart's blood did flow. He stabbed her in the heart till her heart's blood did flow. Down into the grave, pretty Polly did go. Now a debt to the devil that Willie must pay. A debt to the devil that Willie must pay. For killing pretty Polly and running away. Voilà, on vient d'écouter Cordelia Gardsine. Ça, c'est un petit peu mon péché mignon, une musique particulièrement mièvre, j'adore. Et c'était le morceau Sirens featuring John Sirens. C'était avec le chanteur John Smith aussi qui l'accompagnait. Et Cordelia Gardsine, c'est une chanteuse anglaise. Et c'est un morceau qui est paru sur l'album Setting North en 2013. Voilà, toujours, vous êtes toujours sur, vous écoutez Commune Oreille, une thématique autour de l'amour ce mois-ci, et on va enchaîner avec un morceau qui s'appelle Sunday Lovers d'un groupe grec qui s'appelle Monday Night Fever, et c'est sorti sur le label Bad Panda en 2011. Thank you. Voilà, on vient d'écouter Radical Satan à l'instant, un morceau qui s'appelle Divorcio. Vous êtes toujours sur Radio Zinzine, émission commune oreille. La thématique, c'est l'amour. Et le morceau s'appelait donc Divorcio. Radical Satan, c'est un duo de frères argentins émigrés en France. Et là, c'était une version. C'est un duo à géométrie variable en fait. Ils sont 6, je crois, pour l'enregistrement de ce morceau. Et voilà, c'est avec notamment Thomas Bonvalet de Los Elmar qui avait joué avant dans Chevelle de Frise. C'est un morceau qui date de 2005 et qui avait été édité sur un LP, un disque vinyle par le label Les Potagers Nature de Bordeaux. Et on va enchaîner avec deux morceaux, un morceau qui s'appelle Amour et l'autre qui s'appelle L'amour élastique. Le premier est un duo, assez peu de, enfin vraiment très très peu d'informations sur ce groupe qui s'appelle Avec Noir, si ce n'est que le même duo à un autre groupe qui s'appelle Semblant. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. On écoute Amour. Avec amour, avec amour, I stand by your door. Please let me in, I just can't win. Love is a bore, makes me insane. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Avec amour, it's making me thin. It's making me thin. So let us begin. A smile and a grin, avec amour, more and more, more and more, more and more, more and more, more and more, more, more and more. I stand by your door, please let me in. I just can't win, avec amour. More and more, more and more. Avec amour. Amour. Amour. Amour, amour, amour. Amour, amour, amour. Makes me insane. Je t'aime, je t'aime. More and more, more. Love is a bore. Amour, amour, amour, amour. Lequel des quatre fantastiques es-tu? Je suis l'homme élastique qui s'éloignait d'un claquement, reprend sa place en un instant. Oui, je suis un amant flexible. Moi, je suis la femme invisible. Attends, il faut que je t'explique. Mon cœur échange en ses cycliques. Ne tire pas trop sur la corde, où notre amour se désaccorde. L'amour est élastique, mais son issue tragique. L'amour est élastique, mais son issue tragique. L'amour, c'est une gymnastique. on s'enlacelle, on se détend. On s'en mêle et tout se complique. Ne cédons pas à la panique et passons aux travaux pratiques. Je suis sensible à l'esthétique, j'aime l'éducation physique. Oh, tu n'aimes que ma plastique. Ne tire pas trop sur la corde, ou notre amour se désaccorde. L'amour est élastique, mais son issue tragique. L'amour est élastique, mais son issue tragique. Être comme l'aspic, vicieux comme un ecclésiastique. Le penses-tu vraiment? Ça dépend, ça dépend. Lequel des quatre fantastiques es-tu? Je suis l'homme élastique qui s'éloignait d'un claquement, reprend sa place en un instant. Ne tire pas trop sur la corde, ou notre amour se désaccorde. L'amour est élastique, mais son issue tragique. L'amour est élastique, mais son issue tragique. Voilà. Vous venez d'entendre Arnaud Le Gouéfec qui chantait L'amour élastique avec Georges Berstem and the Berstem Corporation. Voilà, un tube en fait qu'on a vraiment bien apprécié avec Jean-Baptiste. On entendait des sonorités qui nous faisaient penser à Philippe Catherine, et c'est ce qu'ils disent sur le Bandcamp à Internet, que ça pourrait être une sorte de mélange entre Philippe Catherine, le chanteur français, si vous le connaissez, et Jules-Édouard Moustique, rien à voir, mais c'est vrai que c'est assez... Il y a un délire un peu rigolo là-dedans, et on nous dit que c'est une... On nous décrit comme une spontanéité, une urgence un peu punk, le tout dans une ambiance mêlant des terminologies improbables et des traductions littérales, et un délire de consultant, voilà, entre Jules-Édouard Moustique et Philippe Catherine. Donc c'était L'amour élastique par Arnaud Le Gouéfec et Georges Berstem. Et donc là, on va enchaîner avec Tolar, qui est un groupe grenoblois qu'on vous avait déjà passé la dernière fois. Groupe de synthé punk qui ont fait aussi des splits avec un autre groupe qui a déjà été passé dans Gentil n'a qu'une oreille. Et comme une oreille qui s'appelait Ultra Démon. On va écouter la chanson Dans la Roche, qui nous parle de consentement. Voilà, on a entendu des premières chansons par rapport à l'importance du mariage, le divorce, et maintenant on va être sur les choses de consentement. Et on enchaînera avec Colombet, À nos amours. Thank you. D'écouter Colombé. Colombé, c'est un musicien parisien, enfin plus exactement de Brie, puisqu'il vient de Colombé les deux églises, et, d'où le nom du groupe. Enfin là, du groupe, c'est un projet solo. Hein. Et c'est un artiste qui s'appelle TG, qui a plusieurs formations, souvent tout seul, parfois en duo. Et toujours dans une musique très lo-fi, donc lo-fi ça veut dire low fidelity, mauvaise qualité, ça s'est bien entendu là sur Colombé, mais en même temps à chaque fois il dégage quelque chose, il y a énormément de mélancolie dans sa musique, moi j'aime beaucoup. Donc c'était le morceau À nos amours. Tu voulais redire quelque chose sur Dans la Roche de Tolar? Oui, bah juste, oui, on avait dit que c'était un groupe grenoblois qu'on a déjà présenté, donc c'était le titre Dans la Roche, c'est issu de l'album Les Abords du Lycée, je crois qu'on l'avait pas redit. Et une petite dédicace pour les copines de Comme un poisson sans bicyclette. Et je trouvais, en plus de la musique intéressante au niveau du contenu, qui nous dit que l'amour comme la sexualité n'est jamais un acquis. S'il y a consentement à un moment, il n'est pas toujours présent. Oui. Et on va enchaîner avec deux morceaux, un morceau qui s'appelle Amour encore, mais d'un autre musicien nantais aussi qui s'appelle Puyo Puyo, c'est tiré d'un album qui s'appelle Disco et qui est paru, je l'avais retrouvé tout à l'heure, je ne sais plus, qui est paru en 2010. Album disco sur le label Da Heard It Records, donc, label, c'est un label nantais. Et ensuite on va enchaîner avec une reprise d'un tube intersidéral, Amoureux solitaire, de Lio, composé par Jacques Noe, et interprété ici par Opopop, toujours sous licence libre, puisque c'est la thématique de l'émission, au-delà de l'amour. C'est parti, Amour Puyo Puyo. Non, c'est pas parti. Amour, Puyo, Puyo. Voilà. I love bananas, electronic music, sex and Mexican beer, vintage French movies, 60s pin-ups, sleeping too long, loving, freaky internet sites, my kids, but other people's cats, cheese pictures, hoodies, ciphers, sunflowers, Michoud Bay, Raven Exports, Ghost, driving in the day, sunshine light. Boxes. Donc on a chanté, on a entendu, on a chanté aussi, mais on a entendu Puyo Puyo avec le titre Amour. Et là, c'était Hop Hop Hop à l'instant avec une reprise de Lio, Amoureux Solitaire. Et pour vous dire quelques mots sur Hop Hop Hop, on l'avait trouvé via les compilations Tenia Solium, qui sont des compilations non marchandes libres de droit, faites autour de Grenoble et de la Drôme. Tous des musiques et des groupes libres de droit. Et Hop Hop Hop, c'est un disque donc Lancelot Figé, qui est sorti en 2006, réédité en 2012. Et qui se définit comme une idée de figer des chansons que le musicien jouait dans sa chambre et parfois devant des gens pour faire un disque de variété subversif avec un son pas trop crade et le faire tourner chez soi en dansant ou pas. Et voilà. Et en tout cas, le disque est dit que ce objet ne peut être que donné ou volé. Il ne tient qu'à toi de le faire tourner sans pitié. Et la chanson s'appelait Amoureux Solitaire et c'est sorti sur Phoebus Records. Voilà. Ceci dit, c'est pas sûr que Lio ait autorisé Hop Hop Hop à reprendre sa chanson. Mais bon. Voilà, c'est libre de droit sous couvert de Lio. Et on enchaîne avec Anne et Bateau, avec la chanson Tu es toutes les Emo Kids. Et le groupe Fantomas contre Interpol qui nous chante L'amour n'est pas un long fleuve tranquille. Thank you. C'était deux groupes. On vient d'entendre Fantomas contre Interpol, qu'on a une fois de plus découvert. J'ai découvert la dernière fois qu'on préparait l'émission Comme une oreille sur Un milieu sous les mers. Et c'est un groupe, donc, vous voyez, surf rock, qui nous avait bien plu. Et on les a connus à nouveau par la compilation Tenia Solium, qui fait, c'est vraiment une compilation de différents groupes. Et ils ont plusieurs albums. Et là, on a entendu une de leurs chansons et on les retrouve sur ces compilations. Un groupe de Lyon, si je ne m'abuse. Ok. Et juste avant, c'était Anne et Bateau, c'était un duo du Mans qui n'existe plus, mais qui jouait vers 2005, un truc comme ça. C'est sorti en 2005, si je me souviens bien, en cassette sur le label Les Potagers Nature. Donc Anne et Bateau, et l'album s'appelait A plus B égale amour. Et là on va enchaîner avec deux morceaux de rock assez durs, Glass Candy, un morceau qui s'appelle Love Love Love, très no wave comme au début des années 80, et ensuite un morceau de Mosuraya. Allez, come round to regular here. Yeah, it's just a headache. I don't wanna feel no more. Put a black magic is so outdated. C'était un remix un peu aléatoire, là j'ai fait une erreur sur le morceau de Glass Candy. Bon, c'était la fin hein, de toute façon. Mais Glass Candy, donc du coup pour revenir dessus, c'était un groupe, c'est un groupe américain de Portland, et là c'était une des premières démos qui date de 1996. Voilà. Et on enchaîne avec Mosuraya. C'est prêt Mosuraya ? Mosuraya, c'est pas prêt. On va faire une petite virgule, alors un petit morceau très très calme juste après ce morceau bien énervé qui s'appelle Two of Us, et c'est un extrait de la bande originale du film L'Arnaqueur. Thank you. Voilà, c'était le love theme, le thème de l'amour, de la musique du film L'Arnaqueur. Et en fait, bon, c'est Klaus Badelt, le compositeur, qui est un compositeur de renommée internationale, hein, qui fait des films assez connus, À bout portant, Rébellion, donc là, L'Arnaqueur, et qui met toutes les musiques de ses films sous licence libre, sur son, avec son label qui s'appelle Label Zéro. Et maintenant, on enchaîne avec Mosuraya. Alors on finit avec un peu deux groupes énervés pour cette émission de Commune Oreille sur la thématique de l'amour. Le premier, c'était Mosuraya, un groupe de crust metal de Genève, vraiment très actif dans la scène indépendante et squat. Cet album est éponyme, je crois. La chanson s'appelait Sucking Sex, on vous laisse traduire, et vraiment un quator très énervé, batteur, guitare, basserie. Et le chanteur qui joue du trombone, qui faisait vraiment des breaks, on l'entend un petit peu sur cette chanson, des breaks assez incroyables avec, avec ce cuivre-là. Voilà, Mosuraya, qui a été actif ouais, dans la scène, je crois, je ne sais pas s'il tourne encore, mais en tout cas, il était très actif dans les années 2000 jusqu'à 2010, en tout cas, avec des tournées un peu partout en Suisse, mais aussi en Asie. Un très joli disque, d'ailleurs. Ouais, et une superbe pochette faite dans l'atelier, tu fais bien de le rappeler, qui s'appelle Serico, un atelier de sérigraphie dans le centre culturel de l'usine à Genève. Et vraiment un bel objet collector. Et la dernière chanson qu'on vient d'enchanter s'appelle Marcel Duchamp, en référence au connu Marcel Duchamp, mais un groupe chilien qui s'appelle de ce nom-là. Et on a entendu la chanson La Novia Puesta al Desnudo, qui veut dire en gros la fiancée mise à nu. Et c'est issu de leur album, là. C'est une chanson très courte, un groupe très punk de Santiago, et c'est issu de l'album qui s'appelle Buscando Luz de Topos, en cherchant la lumière des taupes. Et voilà, et c'est ce disque-là, tout en référence à Marcel Duchamp. Voilà, en français, dans le titre. Voilà, on va terminer cette émission. Voilà. Non, mais on va terminer l'émission, donc comme une oreille, sur l'amour. Parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime. Et un dernier morceau d'un groupe qui s'appelle Ignace, avec un morceau qui s'appelle Romance au bal des pompiers. <t'en>